vraiment, j'ai essayé de la prendre très au sérieux. C'est-à-dire, je me suis dit, comment j'ai construit finalement mon approche de l'ethnicité, comment est-ce que j'ai balisé quelque chose autour de cette problématique, comment j'ai construit cette problématique dans mon travail. Et ça m'a amené à vous proposer des textes très anciens qui sont pas du tout exemplaires. Je l'avais, j'avais dit à Valérie, je ne sais pas si tu l'as mentionné, de bien mentionner que ce n'était pas des textes... c'est des textes de travail. C'est des textes de travail. Voilà, c'est des textes qui répondent... En prenant un peu les termes, enfin, pas en disant que c'était des textes de travail forcément, mais en les recontextualisant. Oui, mais c'est ça, c'est des textes que j'ai trouvé significatifs par rapport à la commande, c'est-à-dire qui sont assez, assez indicatifs de la façon dont je suis entrée dans cette question de l'ethnicité, comment je l'ai construite et comment finalement après elle a travaillé encore dans mon travail jusqu'à tout récemment, jusqu'à même actuellement. En effet, la question des processus ethniques au sein de l'école publique a été au départ de mon travail, au départ de mon recrutement au CNRS même, avec la question de l'ethnicisation de l'espace scolaire. Je suis rentrée avec un projet qui portait précisément là-dessus, et j'ai vérifié le thème de l'ethnicisation était dedans, ce qui était assez risqué et même culotté, on peut le dire, à l'époque, puisque... En fait, je n'étais pas en état de conceptualiser précisément ce dont il s'agissait. Et c'était véritablement un programme de recherche tout à fait ouvert. Pour ce séminaire, j'ai retrouvé des articles qui ont marqué finalement le départ pour moi de cette théorisation des processus ethniques. Un article qui porte sur l'analyse d'une circulaire datant de 1978, prise par le ministère de l'Éducation nationale pour la valorisation des cultures d'origine des élèves, et puis un texte qui réagissait au débat sur l'intégration qui se menait sur la scène nationale au début des années 90, avec le livre de Dominique Schnapper sur la France de l'intégration, et puis quelques autres livres ou interventions importantes qui traitaient de ce thème et qui appelaient, du point de vue de la problématique de l'ethnicité, pouvaient appeler en tout cas une analyse. Ça m'a fait vraiment une impression de relire ces textes parce que, je ne les avais pas relus. Je me demande même si je les avais jamais relus. Mais je ne les avais pas relus depuis fort longtemps, ça c'est certain. Et le décalage de ce qu'il représente avec ce que je suis maintenant, avec ma façon de poser les problèmes, m'a montré qu'il y avait véritablement quand même un parcours qui s'était accompli entre maintenant et il y a 25 plus ans. J'en étais au départ à essayer de poser quelques jalons et je m'étais dit, je ne sais pas où je vais, mais au moins je vais y aller méthodiquement, progressivement. C'est-à-dire que je pose des briques, je m'assure de choses solides et puis j'avance à partir de ces briques. Et ces deux-là sont des textes qui, on peut dire, ont été pour moi des sortes de briques ou pour construire quelque chose de plus important. De plus important, mais je dois dire que j'ai toujours, en les relisant, je m'en suis rendu compte, gardé le cap qui était pour moi de comprendre les processus ethniques au sein de l'école publique. Je dirai tout à l'heure un mot de la façon dont j'avais compris qu'ils existent. Et ma question était devenue donc de comprendre comment se fait le lathering, c'est-à-dire l'altérisation des enfants d'immigrés dans les écoles, alors même que les écoles ont à la fois une idéologie, mais aussi, c'est vrai, des pratiques souvent qui ne distinguent pas ou veulent ne pas distinguer parmi leur public, bien entendu, ni en fonction des statuts sociaux, ni en fonction des origines. Donc la consistance ethnique des rapports scolaires, saisis comme des rapports sociaux qui se déroulent dans un cadre particulier, comment elle est diffusée, comment elle est disponible, comment elle est activée parfois et pas toujours activée, elle peut être neutralisée dans les rapports scolaires. C'était cette question qui me travaillait, avec le sentiment, j'en dirai un mot aussi, que les explications ne sont pas simples et ne sont en aucune façon cantonnées à ce qui se passe dans les interactions entre les gens. Ça, quand on connaît le système scolaire, on a vite conscience qu'il y a là-dedans des statuts, des rôles, des règles, une hiérarchie, et que ce que font les gens au terminus des choses ne peut pas s'analyser uniquement par ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent, ce qu'ils souhaitent faire. Autrement dit, on est vite dissuadé de chercher des chaînes causales simples dans les interactions des gens ou dans la façon dont les acteurs professionnels, les professeurs en l'occurrence, les personnels de l'éducation nationale traitent les familles, les élèves. Il y a par derrière, en fait, une épaisseur de détermination qu'il faut essayer de comprendre. De détermination dans les différents sens du terme, au sens positif et au sens négatif du terme. Auparavant, pour expliquer peut-être pourquoi ces textes, ces deux textes, à la lecture, à la relecture maintenant, semblent si compacts, peut-être si opaques, si pénibles sans doute à lire, ils sont mal écrits, je le reconnais, et je ne les écrirais certainement plus comme ça maintenant. Et il faut se souvenir qu'à cette époque, à ma connaissance en tout cas, il y avait très peu de choses disponibles pour aider à comprendre ce que je voulais comprendre. Je me suis replongée pour préparer ce séminaire dans ce que j'avais pu lire à ce moment-là pour m'aider. Et j'ai retrouvé en particulier un livre collectif publié sous l'égide du CERI au CDE qui s'appelait « L'éducation multiculturelle ». Il y avait aussi dans la même collection « L'éducation des enfants de migrants » qui était plus statistique. Dans l'éducation multiculturelle, il y avait la volonté de prendre le défi, prendre la mesure du défi posé en termes d'éducation par la présence de jeunes issus de courants migratoires dans les institutions éducatives des pays de l'OCDE. Ce texte date de 1987, et c'est-à-dire du moment où j'essayais d'élaborer mon projet, mon programme de travail. Et j'ai trouvé dans ce texte, finalement, un article de François Raveau, qui est un disciple de Bastide, qui était allé à HESS, s'appelle « Ethnicité, migration, minorité, essai de définition ». Ah, ben voilà, ethnicité, que dit-il ? Il a de l'ethnicité l'approche qui était dominante dans les approches américaines en matière d'ethnicité, et que maintenant, une approche plus critique a été développée par Brubaker, par exemple, ou par moi aussi, appelle le groupisme. Pour ces approches de l'ethnicité-là, les groupes ethniques existent. Et l'ethnicité, c'est ce qui consiste à définir, décrire la culture, les modes de vie, ce que font les membres des groupes ethniques. Les groupes ethniques existent, d'une part. Et d'autre part, on ne voit à peu près pas dans quel cadre institutionnel, politique, au sens large, en quel fonctionne, existent ces groupes. Dire que l'accent est porté sur la différence, la singularité de groupes, sans se dire que cette singularité peut être le résultat de l'action qui est exercée sur les membres de ces groupes par des institutions qui sont plus puissantes qu'eux. La définition qu'il donne, par exemple, c'est l'ethnicité, c'est la conscience vécue ou reconnue d'appartenance collective en relation avec un passé historique ou mythique qui peut être projeté dans un devenir commun, possible ou utopique. Elle s'exprime à travers sept indicateurs de participation ou de reconnaissance qui peuvent être biogénétiques, territoriaux, linguistiques, économiques, religieux, culturels, politiques. Donc vous connaissez l'ensemble des caractéristiques d'une... d'une culture au sens ethnologique du terme. Et à partir de là, François Raveau propose de définir des profils d'ethnicité. Donc on va regarder, d'un point de vue linguistique, économique, religieux, culturel, politique, comment se particularise la population identifiée comme groupe ethnique. Et puis on comparera les profils d'ethnicité. C'est ce qu'il fait dans son article en comparant le profil d'ethnicité, ce qu'il appelle le profil d'ethnicité des Antillais en France, et puis le profil d'ethnicité de la société d'accueil. Il se met à définir, dit-il, après tout, il n'est pas possible de ne pas définir le groupe d'accueil, la population majoritaire, comme un groupe, lui aussi susceptible de se voir défini en termes de profil d'ethnicité. C'est ce qu'il fait. Et donc, il voit la différence des deux. Et il dit, du coup, eh bien, il doit être possible en éducation, puisque c'est ce que veut faire le livre, réfléchir sur l'éducation dans ce nouveau contexte. En éducation, on doit pouvoir tirer parti de cet écart entre les profils d'ethnicité et établir, il ne dit pas comment, des dialogues, virgule, des politiques d'éducation. Les dialogues entre les profils d'ethnicité. Et donc, bon, on peut se demander ce que ça signifie. Dans ce livre, je voudrais surtout insister sur un article dont je me suis rendu compte qu'il m'avait fait énormément d'impression, puisque maintenant je ne le cite plus, je l'ai en quelque sorte oublié, il est passé dans les choses décantées, il s'est naturalisé dans mon cerveau, mais à l'époque, je le cite encore, c'est l'article de Michel de Certeau qui s'appelle « Économie ethnique pour une école de la diversité ». Et cet article est très intéressant parce qu'on y voit Michel de Certeau procéder d'intuition en jonglant à travers une bibliographie complètement hétéroclite dans laquelle on trouve Freud, on trouve tout ce qui s'est écrit aux États-Unis et aussi en France. Il cite la thèse de Catherine Vittel-Venden, il cite toute une série de tous les écrits sur les immigrés en France. Il les a lus, Sayad évidemment. Et en même temps, bien évidemment, il retrace là-dedans un parcours qui lui est totalement propre, avec une intelligence des enjeux qui, à la relecture, transparaît encore aujourd'hui. Il essaie de comprendre les nouvelles formes que prend l'appartenance dans l'expérience minoritaire. Et pour ce faire, il va, j'ai fait la même chose, à partir de ma propre intuition, mais aussi manifestement en m'appuyant sur lui, hein, puisque c'est un texte de 87, mais aussi donc il va regarder de près ce que devient l'appartenance nationale et la politisation de l'appartenance nationale dans le nationalisme. Et il dit, j'ai retenu là pour cette lecture que j'ai faite aujourd'hui, cette phrase qui avait dû me frapper, « La référence nationale donne sa forme première à une politisation de l'ethnique. Elle fournit à un ethnocentrisme le support des institutions publiques. » Et il évoque en particulier l'histoire enseignée dans sa bibliographie à Suzanne Citron. Pour ceux qui connaissent un peu la bibliographie sur l'école, Suzanne Citron est un monument. Hein, elle a contribué pour beaucoup à faire comprendre à quel point l'histoire enseignée était biaisée par ce nationalisme d'État. Et elle fournit un ethnocentrisme le support des institutions publiques et se fait l'opérateur d'un endoctrinement nationaliste, un instrument efficace pour conformer la société présente à un modèle ethnique de l'État. Partout naissent et renaissent des mouvements qui identifient l'État à la nation. Là, c'est... À l'époque, pour moi, c'était encore incompréhensible. C'était mystérieux, c'était énigmatique, et je me disais, mais comment, quelle est l'analyse qui a été faite de la nation? Jusqu'ici, je n'en savais rien. Et l'analyse de l'État, quand on sort de Sciences Po, on sait un petit peu mieux ce que c'est, mais comment l'État est national et par quelle médiation passe la nationalisation de l'État ou l'étatisation de la nation, ça c'était vraiment tout à fait inconnu pour moi à ce moment-là. Et ce que disait Michel de Certeau correspondait à des expériences, à du ressenti que j'avais de mon expérience intérieure de l'école, mais j'étais tout à fait incapable de le conceptualiser. Il dit plus loin, il y a une réflexion urgente dans l'enseignement scolaire à faire pour contrecarrer la nationalisation, dit-il, de l'État, c'est-à-dire, et là encore je me retrouve complètement, une, il cite, ethnisation des problèmes politiques. Une ethnisation des problèmes politiques. C'est comme ça s'il s'exprime. Et par ailleurs, sur l'expérience minoritaire, en fait, il dit des choses très intéressantes aussi sur l'expérience minoritaire et qui vont à l'encontre de ce qu'on raconte aujourd'hui sur, sur le communautarisme, sur tous les fantasmes qui ont cours dans l'espace public, dans les médias, sur ça. Il dit il serait temps d'analyser les politiques de diaspora. C'est comme ça qu'il s'exprime pour parler de la vie transnationale des groupes immigrés qui ont des relations avec les pays d'origine. Et il dit il est temps de comprendre comment il déjoue la contrainte qui impose une alternative entre l'assimilation et le retour au pays d'origine, et qui loge l'expérience collective elle-même dans le vide transitoire d'un entre-deux. C'est une réponse discrète à Sayad, hein, là. Mais Sayad était complètement dans cette problématique-là, hein, l'absence, la double absence, l'immigré n'est présent vraiment nulle part, selon Sayad, il est effectivement dans cet entre-deux qui fait qu'il est, soit guetté par l'assimilation, soit le retour au pays d'origine, mais c'est un élément de son projet que finalement il ne réalise que pas, que peu, que rarement, et du coup l'expérience collective du groupe immigré n'est pas vue dans sa positivité. Là, de Certo cessait à identifier le lieu où on peut la penser. Il dit encore des choses sur le fait que la culture d'origine se réduit à des bribes, elle s'effrite comme les reliques d'un corps social perdu, dit-il, mais, et cette phrase est importante, ces fragments n'organisent plus la vie sociale, professionnelle, administrative ou familiale, ces fragments de la culture d'origine, ils la ponctuent de repères apparemment insignifiants et pourtant décisifs. Voilà, il nous laisse. Après, ses propositions sur l'école de la diversité sont assez décevantes, si on peut dire. En tout cas, c'est pas là-dessus qu'il a apporté son intérêt, manifestement. Donc, voilà ce type de travaux sur lesquels on pouvait s'appuyer à l'époque pour penser ou critiquer ou essayer de construire son propre position. Je pouvais aussi m'appuyer sur les travaux sociologiques qui avaient commencé. Alors, je sais que vous allez inviter, que vous aurez la possibilité d'écouter Jean-Paul Payet. Jean-Paul Payet avait déjà commencé à travailler et empruntait, utilisait la catégorie d'ethnicité et la catégorie ethnique. Mais avec beaucoup de prudence, comme il va venir, je ne vais pas développer ce que j'avais pensé pouvoir dire à son sujet. Disons que moi je le trouvais à la fois extrêmement précieux par les observations qu'il rapportait sur les transactions qu'il avait observées, entre en particulier les CPE dans les collèges dans lesquels il avait travaillé. Il avait commencé à travailler comme surveillant en quelque sorte, surveillant d'externat. Donc il avait à participer à l'ordre scolaire, la discipline scolaire et puis la sanction. Ça le mettait dans une position d'observation très intéressante et en particulier il était fréquemment dans le bureau des CPE et voyant les CPE recevoir les élèves, recevoir les familles. Et donc il fait à cette occasion-là des remarques tout à fait précieuses sur les malentendus interactionnels entre les uns et les autres. Et il observe aussi comment la fabrication des classes dans les niveaux, en particulier la quatrième, où jouent les options, la fabrication des classes n'est pas exempte de biais du point de vue ethnique. Pas seulement, les élèves sont loin d'être regroupés seulement sur la base de leurs résultats scolaires, mais quelques éléments de leur statut social jouent aussi, et notamment leur appartenance genrée, et leur appartenance sociale, et notamment leur appartenance ethnique. Leur classement ethnique, devrais-je dire. Il utilise ethnicité, donc il utilise ethnique, mais sans véritablement chercher à théoriser comment l'ethnique travaille dans l'ensemble de l'institution, sans formaliser, à mon sens en tout cas, le jeu des catégories ethniques dans l'institution. Une autre lecture qui m'avait beaucoup aidée au moment où j'essayais de concevoir moi-même ma propre entrée dans le problème, c'était la lecture de Daniel Zimmermann, qui avait travaillé dans les années 70, lui, très précocement, en psychologie sociale, sous le thème « Un langage non verbal de classe ». Il essayait d'analyser, et il n'y allait pas par quatre chemins, si je peux dire, les processus d'attraction-répulsion des enseignants à l'égard des élèves en fonction de l'origine familiale de ces derniers. C'est-à-dire qu'il cible processus d'attraction, ça ne serait plus possible du tout aujourd'hui, des enseignants, et il obtient de la hiérarchie de l'éducation nationale l'autorisation de prendre contact avec plusieurs écoles maternelles, plusieurs écoles primaires, et là, il va interviewer les enseignants en leur demandant de produire des jugements sur chacun de leurs élèves, en leur demandant de répondre à ces questions, de coder chaque enfant de cette façon-là. Cet enfant est repoussant, répugnant, cet enfant est plutôt antipathique, cet enfant est indifférent, cet enfant est plutôt sympathique, cet enfant est attirant, plaisant. C'est vraiment des jugements dont on dirait il fallait être vraiment complètement naïf sociologiquement pour les enseignants, quoi, pour répondre à ces questions-là. Et il l'était apparemment, et la hiérarchie aussi, puisqu'elle a autorisé ce genre de protocole. Hein. Et ce qu'il obtient, c'est des résultats manifestes, hein, qui montrent à quel point, effectivement, les processus d'attraction, répulsion, selon le statut social et selon l'origine des enfants, existent chez les enseignants, à quel point ils sont marqués. C'est vrai que les résultats montrent une attirance globale, bien plus grande pour les enfants de la classe moyenne que pour les enfants de milieux populaires, et a fortiori pour les enfants d'origine immigrée. Extra-européenne. Il faut citer aussi les travaux qui datent de... La publication date de 88 Marie Stripier, que vous avez eu, et Alain Léger, que vous avez eu. Donc, je ne vais pas en parler. Elle en a parlé, bien entendu. Fruit reconstruire l'école populaire, elle vous a parlé de ça. Oui. Donc, assez rapide. Ouais. Donc, c'était... J'allais dire que tu allais en parler plus tard. Ah bon. Ben oui, c'était un livre que moi j'ai connu un petit peu après, le moment où je me mettais à travailler là-dessus, mais un livre très important, puisque, sans l'avoir cherché, hein, ce sont deux auteurs, disons, qui s'inscrivent dans le cadre de l'approche marxiste de la sociologie, donc une approche critique, mais qui ne mobilise pas normalement les classements ethniques. Et il les découvre à l'œuvre en regardant comment fonctionnent les écoles dans une zone populaire proche de Paris, Gennevilliers. Il y avait dans leur corpus l'école du port de Gennevilliers, qui à ce moment-là est une école très populaire, puis les cités tout autour. Et il voit comment les écoles de ces cités sont plus ségrégées du point de vue de leur public que les quartiers. En ce sens que les habitants du quartier qui peuvent ne pas scolariser leurs enfants dans l'école de la cité le font et vont les scolariser ailleurs. On est là dans une zone urbaine très dense, il ne manque pas de possibilité de scolariser ailleurs. Et donc les écoles du quartier finissent par être plus pleines d'un public populaire ou très populaire, et notamment immigré, que le quartier lui-même habite. Et ça, c'est eux qui ont les premiers, non pas dans la littérature dans son ensemble, mais dans la littérature française, mis en évidence cette relation-là. Les écoles sont plus ségrégées socialement et ethniquement que le quartier environnement. Ils mettent aussi en évidence que ça n'est pas pareil pour chacune des écoles. Alors là, ils ne vont pas fouiller trop cette question, mais mais elle est très importante à mon avis parce qu'elle donne l'idée que les processus ethniques, les classements ethniques et leurs effets pervers ne jouent pas de la même façon dans tous les contextes scolaires au sens micro-sociologique du terme. Il y a des contextes qui se défendent mieux que les autres et dans lesquels donc les familles fuient moins et les enfants se sentent mieux. Et c'est des questions de pédagogie, notamment. Mais à l'échelle d'une école, c'est-à-dire un petit ensemble organisationnel, c'est beaucoup la pédagogie des enseignants qui est en ligne de compte. Il est possible donc d'avoir des formes de travail ordinaires c'est comme ça que je l'interprète maintenant, qui désactivent les classements ethniques et les jeux de la catégorisation ethnique, alors que d'autres formes pédagogiques, au contraire, la suscitent. Voilà. Je m'étais appuyée aussi dans les choses que je vous ai apportées sur un dossier de la Revue française de pédagogie en 1996, un petit peu après, dans lequel Jean-Paul Payet fait un état des travaux sur la scolarisation des enfants d'immigrés. Un état des travaux intéressant justement pour l'évitement qu'il marque de la conceptualisation d'ethnicité. En effet, cet état des travaux, il est double. Jean-Paul fait l'état des travaux pour ce qui concerne la France et Agnès Van Zanten fait l'état des travaux pour ce qui concerne les pays anglo-saxons. Au départ, la Revue française pédagogie avait commandé une note de synthèse sur la scolarisation des enfants d'immigrés. Les pays anglo-saxons employant la catégorisation ethnique et s'en servant de façon non critique, et la France ne s'en servant pas du tout, ils ont préféré faire deux états des travaux avec un emploi non critique d'ethnicité dans l'état des travaux concernant les pays anglo-saxons, et puis pas d'emploi d'ethnicité ou d'ethnique, sauf entre guillemets, et de façon extrêmement réservée par Payet pour ce qui concerne l'état des travaux sur la France. Et les seuls moments où il parle d'ethnique et entre guillemets, c'est quand il réfère à mes propres travaux. Et c'est-à-dire que lui-même se garde de décrire ses propres travaux, il parle de différence. Mais il n'emploie pas le terme de classement ethnique ou de catégorisation ethnique. Et voilà. Donc c'est dans ce contexte-là que moi j'ai commencé à élaborer les deux textes j'ai commencé à élaborer mon travail sur comprendre les ressorts de l'ethnicisation des enfants d'immigrés dans notre système scolaire. Mes ressources pour le faire, j'en avais quelques-unes. J'étais par tempérament sans doute moins prudente que Jean-Paul, mais pas seulement par tempérament. J'étais aussi moins prudente parce que je n'avais aucun cadre social autour de moi pour me brider. Je ne faisais pas partie d'une école sociologique, vu que je n'étais pas une sociologue. J'ai fait beaucoup de sociologie depuis, mais je ne suis toujours pas une sociologue. Tout ce que j'avais comme élément d'analyse sociale me venait précédemment de mon passé et des travaux de sociolinguistique ou d'analyse du discours que j'avais pu faire et des lectures donc, que j'avais pu faire parce que dans ma formation initiale, finalement, je n'avais pas rencontré les sciences sociales à proprement parler et notamment pas la sociologie. Je m'étais frottée de sémiotique discursive, de grimace, de Ducrot, d'analyse linguistique d'une façon plus générale, mais pas vraiment d'analyse sociale. Et en étant recrutée au CNRS dans ces conditions, c'est vrai que j'étais complètement dans un univers extrêmement angoissant d'ailleurs, parce que faute de cadre, mais en même temps où tout était possible, où je pouvais imaginer et délirer, si je peux dire, d'une façon assez, assez libre, ce qui n'était pas le cas de Jean-Paul. Il était dans un groupe de sociologie dans lequel il pouvait éventuellement ne pas se sentir autorisé à sortir de certaines façons de faire, façons de dire. Dans les ressources, je vais inscrire aussi le fait que je connaissais, au moment où j'ai commencé à élaborer conceptuellement ce que je voulais dire, je connaissais bien le système scolaire de l'intérieur, de l'extérieur, et aussi de façon marginale séquente, si je peux dire, j'avais eu l'occasion de commencer à enseigner dans le second degré, comme l'a rappelé tout à l'heure Valérie, tardivement, relativement. J'avais déjà fait autre chose avant, j'étais plus, je ne sortais pas des concours. Et lorsque je suis arrivée en salle des professeurs ou bien devant des élèves, j'étais pas dans la situation de la personne qui débarque de ses examens et qui s'adapte comme elle peut et qui se fond complètement dans le milieu qui l'accueille. Je ne me suis jamais fondue dans le milieu qui m'accueillait, même quand j'étais enseignante. Puis très tôt, j'ai pu devenir formatrice à la MAFPEN. Et ça a été une autre occasion, pendant 5 ans, d'observer de façon, si je peux dire, en termes de participation observante, observer en participant de façon intime, des échanges scolaires dans des situations scolaires très contrastées. En effet, j'étais à ce moment-là formatrice dans le cadre d'une mission académique de formation des personnels, et nous étions amenés à voyager entre différents collèges où nous arrivions en dehors de la chaîne hiérarchique. Ça, c'était une position assez intéressante aussi pour ce qu'elle permettait de comprendre du jeu de la chaîne hiérarchique. On arrivait comme des intrus, comme des outsiders, et nous étions supposés, dans le cadre des MAFPEN, participer à la rénovation du collège qui nous accueillait. C'est-à-dire quand même quelque chose d'intime, de difficile, de conflictuel. Donc nous étions amenés à susciter des conflits, à susciter des tensions et à faire l'épreuve de la conflictualité interne plus qu'aucun autre. C'était quelque chose de très révélateur des rouages en fait, internes du système. Et puis, la troisième ressource sur laquelle j'insisterai aussi, c'est l'expérience préalable que j'avais de l'Algérie post-coloniale. Je m'étais en effet retrouvée en Algérie à l'université, et à une époque où l'Algérie était en train d'algérianiser son université, puis le reste de son tissu productif. Et on passait donc progressivement d'une Algérie qui avait fait appel massivement à des coopérants français pour remplacer les Français pieds noirs qui peuplaient ces administrations, ces entreprises, etc., à l'époque coloniale. Et ces coopérants étaient peu à peu remplacés par des Algériens. C'était une Algérie transitoire, une Algérie de la transition, peut-être pas toujours... peut-être pas encore fini, cette transition post-coloniale, et une Algérie dans laquelle, en tant que Français, on était sommé de se définir par rapport à la colonisation, par rapport à la décolonisation, par rapport à l'idéologie promue en Algérie à l'époque. Et dans ce cadre-là, j'ai été interpellée à titre personnel, et aussi, avec des collègues, on a transformé cette interpellation en analyse en travaillant sur l'idéologie coloniale. Et dans l'idéologie coloniale, on a mis en évidence, moi j'ai mobilisé ce que je savais de Ducrot, ce que je savais de Dreymas, pour construire un schéma, un modèle d'analyse qui était inspiré aussi de Memmi, et qui montrait comment dans l'Algérie coloniale, on était forcément du côté du dominant ou du côté du dominé, c'était très dichotomique, c'est très organisé juridiquement, la discrimination entre le colonisateur et le colonisé était organisée juridiquement. Les Algériens ont été dénommés de façon variable, indigènes, ou bien français d'Algérie, ou bien français musulmans d'Algérie, mais toujours est-il que la dichotomie entre le pôle dominant et le pôle altérisé, le pôle indigène, et l'infériorisation du pôle indigène était complètement intégrée dans le jeu des institutions Et j'ai été amenée à travailler à ces conditions sur l'opposition même et autre en la projetant dans l'univers colonial avec la domination. Et ça m'a vaccinée contre le culturalisme, je dirais. C'était la relation d'antagonisme colonial et de domination coloniale est si forte quand on essaie de comprendre les élaborations symboliques de l'univers colonial, elle est si explicative que c'est forcément avec cette idée-là que j'ai interprété les relations entre population majoritaire, français si je peux dire, entre guillemets, et immigrés, quand j'ai été amenée à les analyser. En termes donc d'un pôle dominant qui s'identifie comme sans identité, universel, et puis un pôle dominé auquel on assigne une altérité, une différence, une culture particulière, et que l'on charge de mots. Je ne sais pas en quoi ça vaccine. Comme contre le culturalisme. Parce que le culturalisme se satisfait d'une description des cultures, d'une description statique des cultures, et ne va pas chercher à expliquer ce qu'il observe autrement que par les relations internes dans une culture donnée. Alors que cette dimension dominant-dominée. C'est la relation d'altercation, c'est la relation de définition contraire l'un contre l'autre, l'un par rapport à l'autre, l'un contre l'autre, disons que j'ai retrouvé dans l'analyse que fait Weber des relations ethniques, exactement ce genre de relation. On se définit, le même se définit en attribuant l'altérité à l'autre et en infériorisant l'autre, en le trouvant détestable, alors c'est moins bien élevé, moins cultivé, etc. Ou voire en le haïssant, hein, en reprenant les termes de Weber, sont très forts, puisqu'il combine dans son approche à la fois l'approche des processus ethniques, mais aussi l'approche de la racialisation des processus ethniques. Donc c'est cette idée que c'est l'antagonisme qui définit les pôles. C'est ça que m'a appris le rapport colonial. Le rapport colonial définit ses pôles dans l'antagonisme. C'est l'antagonisme et la territorialisation de l'antagonisme qui définit, qui donne le contenu des pôles. Et de façon très frappante, le même, y compris à l'époque coloniale, le même ne se définit pas, il se définit en récusant l'autre, en infériorisant l'autre. Ça m'a frappé de voir dans une exposition de peinture de quoi parlaient les peintres coloniaux de l'Algérie. Ils parlaient des gens en burnous, des femmes avec le voile, des palmiers, etc. Ils parlaient de l'autre. Et c'est les portraits de soi-même, d'une façon vue comme un objet pictural, sont beaucoup plus rares, quoi. Voilà, donc ce petit passage était pour vous dire comment je suis rentrée dans mes questions en ayant très peu de connaissances finalement conceptuelles des sciences sociales et en ne trouvant pas, en n'ayant pas trouvé dans ce qui m'entourait de façon facile, de façon immédiate, des éléments de réponse satisfaisants, mais en ayant contracté, j'avais un ami qui faisait des maths et qui me disait personne n'est nul en maths et les problèmes ça se contracte. Il faut les contracter, on sait les résoudre après. Et je peux dire que par ma vie, mon expérience biographique finalement, j'avais contracté un problème au sujet de la façon dont on altérise des personnes, des populations. Et j'avais quelques éléments intellectuels pour entrer là-dedans. Et c'est comme ça que j'en suis venue à reprendre pas à pas un trajet de construction de ce que ça signifiait l'ethnicité pour l'espace scolaire. Alors le premier texte que je vous ai passé à ce sujet, le texte extrait de la revue Mots, porte donc sur la catégorisation ethnique portée par une circulaire qui prétendait ouvrir l'innovation pédagogique dans les écoles où les enfants d'immigrés étaient nombreux. C'est l'époque, c'est pas le plus intéressant, je ne sais pas si quelqu'un l'a lu dans la salle. Si quelqu'un l'a lu, je peux en parler, sinon c'est un texte où j'essaie de trouver des éléments empiriques qui ne soient pas purement sociologiques, parce que j'avais vraiment le sentiment que les choses ne se jouaient pas, de façon que les facteurs explicatifs n'étaient pas majoritairement au niveau des interactions qui se développaient dans les classes. Et donc je cherchais à ce moment-là des éléments empiriques permettant de comprendre comment le système scolaire dans son épaisseur hiérarchique s'ethnicise. Et donc, pas seulement les relations, pour reprendre la distinction que faisait Véronique de Ruder entre relations sociales et rapports sociaux, hein, pas seulement les relations sociales se chargent d'ethnicité dans le système scolaire, dans certains moments, mais les rapports scolaires organisés par l'institution sont susceptibles d'être ethnicisés aussi. Et j'envoyais, par exemple, un signe dans cette circulaire. Alors, cette circulaire est loin de régir l'ensemble du système. Elle ne régit qu'un aspect relativement mineur. Mais ça m'a intéressé de voir par quelle contorsion le ministère arrivait à faire passer son idée de « vous pouvez innover autour des cultures qui sont présentes dans la classe » en évitant de produire de la société française une vision plurielle et en essayant de garder l'idée que l'école est universelle et ne fait aucune différence entre ses élèves. Donc avec ces éléments de départ antagonistes, le texte essaie de faire un discours cohérent. Et il y arrive partiellement, mais ça, il se prête à l'analyse. Ce texte a été d'ailleurs, j'ai vu, aussi analysé par Smaïn Lacher, par d'autres. Hein. D'autres se sont dit, mais ce texte, quand même, il appelle une critique. On y voit fonctionner, donc, on y voit se créer l'antagonisme, l'alternance entre enfants français et enfants étrangers, qu'on appelle aussi enfants immigrés, et avec tout un jeu sur les cultures, et la culture française, les cultures étrangères, les cultures immigrées, etc. Voilà. Un autre texte, l'autre texte est sans doute plus intéressant, celui que je vous ai donné et qui est de 94 dans Carte d'identité. Il est plus intéressant parce qu'il concerne pas seulement l'éducation nationale, mais plus largement les jeux du politique et des intellectuels autour des thèmes de l'identité nationale et notamment à l'époque de l'intégration. C'était donc l'époque où on commençait à développer une politique d'intégration, le gouvernement Rocard, si vous vous en souvenez, qui avait donc mis en place à la fois un haut conseil à l'intégration et puis un secrétariat interministériel à l'intégration. Le thème de l'intégration commençait à donner lieu à de l'action publique, des politiques publiques, et il était vigoureusement investi par les intellectuels français, ou certains d'entre eux, bien entendu. Certains d'entre eux qui, du nom de leur audio, de leur autorité, donc prenaient parti dans le débat sur que faire. Le débat porte à ce moment-là sur, finalement, va-t-on ouvrir la vision, l'imaginaire national, va-t-on faire une place à la différence des origines, des cultures dans la communauté nationale? Comment peut-on être à la fois unitaire et pluraliste? À l'époque du gouvernement Rocard, si vous vous en souvenez, il y a une certaine hésitation pendant un temps autour de « on peut être à la fois pleinement français et pluraliste ». Faire une place à la différence. Finalement, on est quelques années seulement après le mouvement des beurs, hein, de la marche des beurs, et puis les manifestations qui ont suivi en 83, 84, 85. Et le thème de ces manifestations, c'est à la fois la revendication d'égalité fondamentale, la revendication de citoyenneté, et aussi être soi-même, être reconnu comme soi-même, avec l'identité dont on est porteur, ce qu'ils appellent leur différence. La demande d'égalité, la demande de reconnaissance. Et ce mouvement-là a été digéré, bien entendu, assez vite par le monde politique. Néanmoins, il travaille, continue à travailler dans les banlieues, dans les quartiers. Il habite les jeunes et il y a en quelque sorte une demande latente, hein, qui monte auprès du gouvernement pour entrer dans une logique de reconnaissance. Or, la logique de reconnaissance est inaccoutumée en France, et c'est dans ces années-là qu'elle va être taxée de communautarisme anglo-saxon, en fait. On va la disqualifier en l'attribuant à des types de gestion de la société par l'État différents, non français. Et les intellectuels ont joué un rôle très important à l'analyse dans cette mutation de l'espace du débat politique en France dans le début des années 90. On avait eu, il est vrai, une première décision qui avait pris tout le monde de court. C'était la décision du Conseil, c'était l'avis du Conseil d'État dans la première affaire de Foulard à Creil. La première affaire de Foulard au Collège de Creil se passe à la rentrée 89. Le ministre de l'Éducation nationale, à l'époque Lionel Jospin, saisit le Conseil d'État pour avis. Doit-on exclure, doit-on sévir dans cette affaire? Le principal du collège avait déjà décrété l'exclusion des filles voilées. Le ministre se retourne vers le Conseil d'État et le Conseil d'État, dans un avis solennel, donne une réponse tout à fait inattendue aux questions qui y étaient posées. Les questions portaient sur la sanction. Et le Conseil d'État répond qu'il est licite, il est possible et légal de porter des signes religieux dans l'espace public scolaire, pour les filles en tout cas, hein, pas pour les professeurs qui sont tenus à une stricte neutralité, mais pour les élèves scolarisés, dans la mesure où ces élèves sont des sujets de droit, et où, en tant que tels, ils ont droit au système de liberté qui est reconnu dans notre droit public, à savoir d'abord la liberté de conscience. Et la liberté de conscience, la laïcité française ne vient pas à l'encontre de cette liberté de conscience qui est reconnue à tous, et y compris aux élèves. Simplement, elles sont tenues à respecter l'ensemble des règles de la vie scolaire et à ne pas faire de prosélytisme, à ne pas empêcher le déroulement correct du service public, etc. Cet avis du Conseil d'État a été un ferment de troubles considérables en réalité. Je m'en rends compte maintenant, on peut s'en rendre compte maintenant, puisque nous ne sommes toujours pas sortis de ce trouble créé par le Conseil d'État. On apprenait que le droit français était beaucoup plus libéral que l'opinion qu'en avaient les gens, et notamment l'opinion qu'en avaient les acteurs politiques. Et que par conséquent, le discours politique sur la laïcité n'était pas disposé, ne pouvait pas, en l'état, digérer le droit français de la laïcité. aucun discours politique ne pouvait digérer ce que nous apprenions sur le droit de la laïcité. Et aucun discours ne l'a assumé. Les gens de droite s'y sont opposés, discrètement, sans le dire fort pour commencer, en le disant ensuite de plus en plus fort pour parvenir à la loi finalement de 2004, qui interdit le port des signes religieux dans l'espace des établissements scolaires par les élèves scolarisés. Et quant aux hommes politiques de gauche, ils n'ont pas pu tenir un discours qui valide cet avis du Conseil d'État. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est le ministre a fait une circulaire qui, en gros, reprenait l'autorisation donnée par le Conseil d'État. Il ne pouvait pas faire autrement. Donc, pas de sanction, autorisation donnée, et en même temps, quelques réserves qui étaient disposées dans le texte, incitant les acteurs à dialoguer pour qu'il soit mis fin au port des signes. Donc, d'une part, les signes étaient autorisés, d'autre part, il fallait dialoguer pour qu'il soit mis fin au port des signes. C'était la circulaire Jospin en 89. Cette affaire a, je crois, profondément marqué les acteurs centraux de notre système, que ce soit les intellectuels, que ce soit les responsables de l'école, que ce soit les hommes politiques. En me projetant plus tard dans ce qui s'est passé en 2003-2004, avec, si vous vous en souvenez, l'effervescence autour de la mise en place du CFCM, du Conseil français du culte musulman, la nouvelle doctrine de la laïcité élaborée dans les sphères proches de Jacques Chirac, avec d'abord un rapport présenté par François Baroin sur la laïcité, et puis de fil en aiguille, de proche en proche, une montée de l'effervescence, la mise en place des commissions Stasi et Debré, et puis finalement la loi de 2004, du 15 mars 2004, interdisant les voiles. On se rend compte que les dirigeants de l'éducation nationale n'ont pas forcément été les plus indisposés par cet avis du Conseil d'État, contrairement à la réputation qui leur a été faite lorsque la loi a finalement été votée en disant « c'est à la demande des chefs d'établissement ». Les chefs d'établissement, une partie d'entre eux étaient certes, étaient contents qu'on résolve leurs problèmes de cette façon-là. Mais les chefs du système, eux, étaient contre la loi. Et d'abord les ministres étaient contre à l'époque, en 2003-2004. Mais j'anticipe là maintenant. Pour ce qui concerne notre affaire de, je reviens en arrière, les années 90, le problème de l'intégration, cette perturbation profonde du système symbolique français, manifestée par l'avis du Conseil d'État, mais manifestée aussi par les manifestations des beurs dans l'espace public, a amené les intellectuels à se prononcer. Je ne devrais pas dire les intellectuels, je devrais dire des intellectuels. Certains intellectuels se sont mis à prendre part au jeu politique. Et l'intégration a été le thème qui a permis que des intellectuels, patentés comme intellectuels, patentés comme scientifiques plutôt, c'est-à-dire ayant derrière eux un parcours scientifique normal, se sont mis à faire discrètement de la politique à travers leurs écrits, en s'adressant indirectement ou directement aux responsables politiques pour essayer d'orienter les décisions prises en matière de gestion de l'immigration et de gestion de l'intégration. Et c'est ça que j'essaie d'analyser dans l'article sur les sciences sociales au service de l'identité nationale. C'est la façon dont certains intellectuels, Dominique Schnapper bien entendu en tête, Pierre-André Taguieff, Patrick Veil, Noiriel aussi, d'autres, se sont mis à orienter leurs travaux dans le sens d'une expertise dirigée en direction des pouvoirs publics pour qu'ils ne reviennent pas sur le modèle français, ce qu'ils appelaient le modèle français. Ce faisant, ils définissaient le modèle français en se référant à la tradition française. Comme on le sait, depuis Hobsbawm, on fait plus que de s'y référer, on la crée. Et donc ils ont créé un modèle français de gestion républicaine des immigrés, qui se prévalait donc de son universalisme, et par conséquent il n'était pas du tout utile de le changer pour tenir compte de ce qui se passait dans la société française, puisque ce modèle étant universel valait pour tout le monde. Et c'est ça que j'essaie d'analyser dans ce chapitre sur les sciences sociales au service de l'identité nationale. C'est comment, sous couleur de faire de la science sociale, on a fait de l'idéologie du social, et on a sculpté, créé un modèle républicain qui n'a jamais existé autrement que dans ces actes de sculpture, de construction. Ça n'est pas le seul moment où il a été sculpté, mais c'est un des moments contemporains où il a été mis en œuvre. Donc là, il y a ceux d'entre vous qui ont lu ce texte. Vous avez vu comment il est composé. Et il est composé en deux grandes parties. Une première partie dans laquelle j'essaie de définir comment fonctionne, en constituant un discours, en constituant un corpus qui n'est pas vraiment un corpus, hein, que je construisais, et donc avec tous les biais et toutes les limites que peut avoir ce type d'acte scientifiquement, prétendre que des discours de Noiriel, des discours de Taguieff, des discours de Schnapper font un corpus, c'est un acte violent. C'est un acte qui peut se contester et qui ne peut se justifier que par le résultat qu'il permet. Donc voilà, moi je prétends être arrivé à un certain résultat, mais bien entendu, d'un autre point de vue, on peut tout à fait contester l'existence de ce corpus. En constituant ce corpus, donc, j'ai pu mettre en évidence trois traits qui m'ont paru quand même assez importants, et rétrospectivement, ils n'ont pas l'air faux. D'une part, principe de l'unitarisme, la société vue comme non pas plurielle, non pas intimement traversée par des conflits, non pas lieu d'interaction, de transaction, d'accommodement, mais de conflits aussi, mais unitaire, donc une vision désociologisée de la société. Et une critique explicite ou implicite de l'intégration pluraliste. L'intégration vue comme assimilation, en fait. Hein. Et la nation rapportée à l'État, l'État rapporté à la nation. Un couplage très serré de l'État et de la nation. Intégration sociale rapportée à l'intégration nationale. Chose que contestent évidemment les sociologues, pas tellement les sociologues français d'ailleurs, pendant un temps, ils en sont restés là, mais les sociologues allemands, anglais, etc. Le deuxième trait, c'était le juridisme. C'est-à-dire la posture normative assumée par ses collègues à l'encontre de la neutralité méthodologique à laquelle nous sommes tenus. Et en particulier, on voit dans ces textes courir les mots d'exigence. La laïcité exige. C'est compatible ou incompatible avec, vous voyez, les XM, des unités lexicales. Qui sont embués de normativité. On n'est jamais dans la stricte description. Alors la notion de règle, c'est pareil, la notion de règle donne lieu à des jeux variés que j'essaie d'analyser dans le texte. Dans toutes ces analyses, le départ linguistique que j'ai eu est très sensible, parce qu'effectivement je m'attache à la lettre, à la matérialité du texte. Et le troisième trait que je relevais, c'était l'objectivation des valeurs républicaines. Jamais définies ces valeurs, donc définies en autonomie, c'est-à-dire par citation d'elles-mêmes. Quand on ne définit pas un terme qui est chargé comme celui-là, ça veut dire qu'on l'utilise comme en le reprenant d'autres textes et avec un régime de cascade de citations. Dans lesquelles ces valeurs ne sont jamais finalement définies. Elles sont donc objectivées, de même que l'État est objectivé. Et dans un deuxième mouvement de cet article, j'essayais de répondre à la question pourquoi ? Pourquoi cette élaboration du modèle républicain avec son juridisme, avec l'autonomie des valeurs et avec l'unitarisme et la désociologisation de l'approche du social, pourquoi maintenant ? Pourquoi pas dans les années 70 ? Pourquoi maintenant ? Et là, j'avais quatre observations que je dégage, et on pourrait en dégager plus évidemment, mais j'en faisais quatre. La première, c'était que on s'apercevait dans ces années-là, après le traité de Maastricht, que la nation était effectivement en danger en tant que cadre d'intégration des parcours de vie de ses membres, que de plus en plus de relations sociales n'étaient pas en fait vécues dans le cadre national, et que par conséquent le cadre national dont Elias nous a appris à comprendre à quel point il était important subjectivement par rapport aux forces de mort qui menacent à tout moment les groupes, le cadre national était en difficulté. Que faire des immigrés ? Que faire de ce que Catani appelait la bilatéralité des vies, des références des immigrés, de leur capacité et de leur disposition à s'affranchir des cadres nationaux ? Comment gérer ça dans un cadre national ? Une réelle difficulté de ce point de vue-là. Le deuxième point qui me paraissait donner de l'actualité et susciter finalement ce type d'élaboration autour de l'intégration, c'était que le registre normatif et analytique des sciences sociales, le double registre des sciences sociales et notamment de la science politique, ne datait pas d'aujourd'hui, que c'était quelque chose qui avait existé en France depuis un moment. Et qui était accentué aujourd'hui. Le troisième point que je voyais, c'était l'incertitude politique du moment avec le gouvernement Rocard, l'affaire des voiles, le HCI, le statut des immigrés au sein de la société française, la place des beurs, et la perspective d'une évolution à la québécoise dont une partie de la société française voulait et l'autre partie ne voulait pas. Et un dernier point qui me semblait assez intéressant et dont on voit aujourd'hui à quel point il travaille violemment dans notre société, c'était le stéréotypage, là encore une fois, symétrique, de l'islam et du judaïsme. Le stéréotypage de l'islam et des musulmans versus le stéréotypage du judaïsme et des juifs. Le modèle d'intégration juif, le modèle français d'intégration de la population juive vient à ce moment-là sur le devant de la réflexion, et certains de nos collègues se mettent à travailler sur ce supposé modèle. Je souligne dans le texte à quel point ce modèle n'existe pas en réalité. Il y a une pluralité de modes d'intégration des juifs dans la société française à différents moments d'histoire. Et on s'en sert en tout cas dans les textes du modèle juif pour penser les problèmes du modèle maghrébin. Je vais terminer là-dessus parce que je pense que le temps passe jusqu'à... Oui ? Oui, ça fait une heure. D'accord. Alors je terminerai là-dessus en disant que ça, c'était mon début. Finalement, j'ai continué à travailler dans cette ligne-là, à essayer de penser la façon dont l'ethnicité, entendue comme terme générique, je veux dire, les relations ethniques ou les classements ethniques, travaillent au sein de l'espace scolaire, en essayant de toujours penser les différents niveaux où l'ethnicité travaille et ne pas subordonner l'approche totale de l'ethnicité à ce qui se passe au niveau interactionnel. Je pense que ce qui se passe au niveau interactionnel est très important, Mais ce n'est pas le seul niveau pertinent pour comprendre comment fonctionnent les classements ethniques et comment s'activent dans la société. Le niveau politique est essentiel, le niveau organisationnel est essentiel aussi. Alors ça, je vous fais grâce du niveau organisationnel et du système scolaire aujourd'hui, parce que là, c'est vraiment technique, ça nous obligerait à rentrer dans les questions du système scolaire qui ne vous intéressent pas forcément. Mais pour le global, j'ai trouvé beaucoup d'aide dans le modèle weberien d'analyse des relations ethniques qui donne la matière d'un chapitre entier que Weber consacre à ça dans son livre « Économie et société ». Le modèle qu'il propose est un modèle qui me paraît extrêmement intéressant et sur la base duquel j'ai proposé donc cette construction qu'il y a dans ce livre-là. Bon, c'est un livre que j'ai coordonné, mais j'en ai quand même écrit la moitié. Et la partie théorique, disons, est de moi. Et j'y propose de concevoir l'ethnicité en tant que terme générique comme un paradigme, c'est-à-dire un ensemble de théories que l'on peut mobiliser autour de la solution de cette question, un paradigme psycho-socio-politique. Je tiens beaucoup à ces trois termes. Je crois que la psychologie sociale donne des clés très importantes pour comprendre les questions d'auto-identification et d'inter-identification. Et les travaux de la psychologie sociale sur les relations intergroupes, avec le fait que toute identification groupale se pose forcément par rapport à un out-group ou plusieurs out-groups, des exogroupes comme on dit aussi, auxquels on attribue certaines caractéristiques qui nous définissent en creux. Ça, je crois que c'est quelque chose de très, très intéressant du point de vue des classements ethniques. Comprendre, évidemment, les dynamiques sociales, mais ça, vous avez plusieurs sociologues qui viendront travailler avec vous sur le paradigme de l'ethnicité, sur la théorie de l'ethnicité, donc pas la peine de développer. Et mais aussi, paradigme au niveau politique. Et là, c'est cette question, moi, qui m'a le plus coincé, je dirais. Je voulais absolument prendre en compte cette dimension politique. Mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de peine à trouver dans la littérature internationale des éléments là-dessus. Les Américains sont totalement naïfs, totalement aveugles sur ce que fait leur système politique au jeu ethnique qui se déroule dans leur société. Je vois que quelqu'un n'est pas tout à fait d'accord. Donc il y a des évolutions, effectivement, dans la sociologie et la science politique américaine, depuis en particulier Critical Race Theory, qu'on trouve un peu... oui, il y a des choses. Mais à cette époque-là, à l'époque dont je parle, je ne pouvais pas trouver, par exemple, un manuel analogue à celui-ci. Moi, j'ai essayé de concevoir celui-ci comme un manuel. Je pensais aux professeurs, en particulier aux formateurs. Je me disais, il faut qu'ils puissent lire ce qui se passe pour eux et le comprendre. Et bien, un manuel de cette nature-là, je n'en avais pas trouvé dans le monde anglo-saxon. Et ensuite, j'en ai trouvé, en particulier, sous la plume de Richard Jenkins, qui est un Anglais. Qui n'est pas un Américain, qui est un Anglais. Et j'ai trouvé, un peu trop tard, à mon avis, des éléments de recherche, des inspirations chez les Anglais qui sont bien plus proches de ce que j'essayais de faire moi-même que les Américains. Donc, psycho-socio-politique, essayer de combiner l'ensemble des approches, ça fait beaucoup d'éléments des sciences sociales, en fait, hein, que l'on peut mobiliser pour tirer les fils relatives qui nous font comprendre comment fonctionnent les classements ethniques et comment circulent les catégories ethniques dans notre société. Il faut ajouter à ça, quand on s'intéresse au système scolaire, tout ce que nous apporte la sociologie des organisations et du travail organisé. Et finalement, en réfléchissant, et pour terminer, puisque je ne voudrais pas aller plus loin pour amputer le temps que je me réjouis d'avoir avec vous sur la discussion, je me disais, du point de vue des ressources que j'ai, des théories sociologiques, j'ai trouvé, j'ai été très très soulagée quand j'ai découvert la sociologie des organisations, mais encore plus soulagée quand j'ai découvert Giddens, la double constitution de la société, parce que ça m'a aidé à imaginer les médiations par lesquelles on peut passer du bas, du down au top et dans l'autre sens. La double constitution de la société, la constitution par le bas d'une part et par le haut d'autre part, qui converge vers le niveau méso. Pour moi, et en pensant en particulier au système scolaire, cette capacité d'articuler les différentes lectures sociologiques qui sont disponibles sur le marché, je dirais, telles que Giddens nous en donne l'idée, ça m'a paru très aidant. J'ai découvert récemment la théorie de l'acteur réseau, et je dirais que ça, là aussi, ça correspond bien ça peut se greffer bien sur ces travaux et ça peut aider à identifier des questionnements empiriques à ce sujet. Je terminerai en disant que de fil en aiguille, j'en suis venue en ayant cette approche de l'ethnicité comme des catégories, des classements ethniques qui se font ou qui ne se font pas. J'en suis venue à trouver que c'est très important de penser en particulier ce qui peut désactiver le jeu des catégories ethniques dans les espaces organisés dans lesquels nous vivons, en particulier dans l'espace scolaire. Autant on s'aperçoit que dans l'espace scolaire tel qu'il fonctionne aujourd'hui, les catégories ethniques circulent fort et infléchissent dans une certaine mesure l'action professionnelle, autant aussi on trouve des endroits où cette circulation est stoppée, est paralysée, bloquée. Quels sont-ils ces endroits? Qu'est-ce qu'il faut faire pour les multiplier? Et comment, dans une perspective de rénovation de la formation des professionnels, inclure des éléments d'intelligence de ces processus que la sociologie, la science politique, la psychologie peuvent avoir accumulé? Voilà, il me semble-t-il, un problème intéressant et c'est ce à quoi j'essaie de m'atteler maintenant. Voilà.